Tú me manques, Sula Rue, tú me manques, Dan Le Marche, tú me manques, a respirer. Cue de feu, cue de lumière, cue de transparence, cue de ma douleur. Parfois notre voix est détournée, parfois notre voix et non ne pouvons pas tenir. Parfois notre voix m'a refusé de comprendre. Des stéréotypes similaires, d'apparence avantage, à nation travailler nécessaire. Des stéréotypes passés, d'apparence pas apparaissant, à nation travailler nécessaire aussi. Les âmes, les cœurs, les sentiments sont les meilleurs. Tu me manques sur la rue, tu me manques dans les marches, tu me manques à respirer. Cure de feu, cure de lumière, cure de transparence, cure de ma douleur. Tu me manques.